C'est bon ? Ah, c'est bon. Ils sont en train de manger, les frères, là ? Ça va manger ? J'ai pas mangé. On va réviser ça vite fait. Bismillah, salatu salam ala rasulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, amma ba'd. Vous pouvez vous rapprocher sur ça. طيب امس اخذنا تكمله ان طيب يا اخوات ان طيب لكن ما معنى لكن يا محمد معنى الاستدراك الاستدراك طيب ماذا تعمل ان محمد ماذا تعمل c'est quel travail elle fait travaille le mois avec mon squad fatra et le mois d'après ça leur qu'est-ce que ça vous montre non La quina. Ah, la quina. Ah ouais, genre un exemple, on va dire Mohamed est grand. Là, qu'est-ce qu'elle fait comme travail ? Je ne sais pas demander le sens. C'est le même travail que Inna, c'est le même travail que Inna. Et c'est quoi le travail de Inna ? Ça rend le mot Mansoub. Le mot ? Qui suit. C'est quoi le mot qui suit ? C'est un is. Tarfa al-ism. Tansab al-ism, wa tarfa al-khabar. Taïb ? Barakallahu fik. ماذا تفيد لكن كل سنس لا الاستدراك طيب pourquoi on utilise ça محمد on pourrait croire positif ou négatif un exemple positif non c'est pas positif Si tu dis Alpha Sarir, automatiquement on va penser quoi négativement. Zaidun. Karima. Lakinna. Peureux, c'est ça Lakinna ou Jaban. Très bien. C'est-à-dire là on pensait de lui qu'il était courageux. Et à l'inverse, négativement. Alpha Sarir. Lakinna. Pas Walakin. Lakinna. لكن الطلاب كثير مفهوم تلمون ذا كومبريسا إن شاء الله على الاستدراك طيب كأن ماذا تعمل تنصب الاسم الخبر طيب وماذا تفيد كل سنس لا التشبيه أو قلنا الشك طيب ان اكزامبل دو تشبيه دو ريسومبلانس زيدون كانه اسد نعم كانه اسد او كان زيدا اسد طيب ان اكزامبل دو دوت كانه اخوك طيب كانه اخوك نعم او مثال قلنا ماذا ايضا كأن زيدان عندك طيب بارك الله فيك لا غاك دو 11 à 19 qu'on a vu à Kamel c'est quoi 11 à 19 c'est la chose comptée elle sera comment la chose comptée elle sera singulier manso طيب بارك الله فيك et l'unité par rapport à la chose comptée sera comment ben si c'est le il est par rapport à ce qu'on a vu hier il est masculin. C'est-à-dire si la chose comptée elle est masculine, l'unité, et ben sera mouannath. Ahsan, c'est-à-dire sera au féminin, mouannath. La dizaine elle sera comme. Très bien. Alaykoum salam. Mettez-vous là. Faites-vous là. Taïb. Serrez-vous. Taïb. Bien répondu, Sami. Ça veut dire quoi là C'est-à-dire quand on dit Thalatata Ashara Taliban. Thalatata, ce sera quoi Ax Al-Ma'doud. Mais Fumada Al-Ma'doud, c'est la chose comptée. Taïb. Et la dizaine, Barakallahu Fik, sera quoi Ce sera la même chose que la chose comptée. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah Et 11 et 12 Ça ne bouge pas. C'est-à-dire quoi La conformité. Tout est conforme. Barakallahu Fik. Taïb. Mm-hmm. C'est ce qu'on avait vu, hein, c'est ça. T'as bismillah. Grand 12, c'est ça. Et après on reviendra inchallah au ism tafdil. Non, Marie. C'est-à-dire, regarde bien, Ahada, Ashara, Taliban. Ahada, il est quoi? Masculin. Ashara, masculin. Taliban, masculin. Ithna, Ashara, Taliban. Masculin, partout. On va le voir, Inch'Allah, soit demain ou samedi. On dira quoi? Ihda, Ashara, Talibatan. Il faut, madame? C'est ça la conformité entre le 11 et 12. Et le 12, Inch'Allah, on verra, il est quoi? Il est mu'arab, déclinable. Il changera. Non? طيب بسم الله الاخر يوجه المدرس الى الطلاب اسئله مكونه من اليس كذلك فيجب مثلا في فاسيه كيس كيدير ابري عليها الطلاب ببلا طيب يوجه ما معنى يوجه كيس رابل نعم ها يوجه المدرس الى الطلاب ها لو بروفيسور يدير كوا دي كيسيون فير لي زيلاف مكونه سادير formé min alaysa kadhalik. طيب ici bala bala ici il a un sens de quoi barakallahu fikoum ça veut dire si طيب, si vous voulez traduire oui si ou oui certes il a un sens plus fort que naam ça je sais pas tu vois moi ce que je vais vous donner après si toi c'est quoi comment tu sais ça tu l'as trouvé on te l'a dit. Ouais, dans le méthode de mise 1, le professeur il nous avait expliqué. Hein, soit le Bakhala, il dit à un moment, il dit Bala, c'est plus fort que Naam. Moi, j'ai regardé dans les grands livres, et Bala, je vais vous l'expliquer pourquoi on utilise Bala. Voilà. Après, Inch'Allah, je demanderai Allah ybarik fik. Allah, Taïb, on a dit quoi Bala, bima'na, oui, certes. Taïb, en réponse à quoi? À une négation. Taïb, à une question négative. Ça veut dire quoi? Il ne faudra pas utiliser Bala comme ça. Une forme d'Abtel al-Majid, Bala. C'est pour ça, c'est quoi? Bala, on l'utilise pourquoi? Barakallahu fikoum. Après une question négative. Taïb. Alors que Na'am, on peut l'utiliser pourquoi? Barakallahu fikoum. Affirmative ou négatif. D'Abtel al-Majid, Na'am. Ma d'Abtel al-Majid, Na'am. Une forme? Pour l'instant, écrivez ce qu'on dit là. Taïb, Bala, oui, si, ou certes. Taïb, il est utilisé par comment? Après une question négative. Et pourquoi, barakallahu fikoum, on utilise Bala? Ils disent, tartas bin nafi, watufid ibtal. C'est-à-dire, toi, le fait d'utiliser la réponse avec Bala, tu vas vouloir quoi? Enlever la négation qu'il y avait dans quoi? Dans la question. Mais faut, par exemple, je dis à Abdelhamid, Alam ta'akul? Qu'est-ce qu'il doit répondre là s'il a mangé? Bala. Il dit pas na'am. Yannou law qala na'am, ça veut dire quoi? Ma'ana lam ya'akul. Mais faut, ma'ada? Vous avez compris ça ou non? Rekez avec nous, Sami, c'est mieux. C'est le mus'haf, tu vois? Vous avez compris là les frères? Hein, je dis Alam ta'akul, il dit Bala. La question c'est quoi? Lam, nafi huna. Taïb, Inch'Allah? Tout le monde a compris ça? Si tu dis na'am huna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu confirmes la négation. Vous avez tous compris ça, Inch'Allah? Taïb. Pour ça, ils viennent dans un athar de Abdullah ibn al-Abbas, ils disent quoi? Alastu bi rabbikum. Ici, d'ici, on aurait dit bala, na'am, ma'ana kafarna. Vous avez compris? C'est-à-dire, oui, tu n'es pas notre Seigneur. Ayadun billah. C'est pour ça qu'on dit bala. Oui, certes, tu es notre Seigneur. Mufum hada? Vous avez compris ça ou non? C'est pour ça qu'on utilise bala. C'est pourquoi? Pour enlever la négation dans la question. Mufum? Taïb. Si quelqu'un te dit alam ta'akul, et toi, tu n'as pas mangé, tu diras quoi? Bala. Tu peux répéter? J'ai dit, quelqu'un te dit, Alam ta'akul, et toi, tu n'as pas mangé, tu diras quoi? Lam Takul, c'est-à-dire t'as mangé ? Non, Alam, Lam. C'est vrai, on l'a pas étudié. Mais Lam, c'est-à-dire c'est une négation. Tu dirais quoi ? J'ai pas compris la phrase. Taïb, Andek. Je fais que de répéter ça, Abdek. Naam, c'est-à-dire quoi ? Tu confirmes que tu n'as pas mangé. Mais Fomala, tout le monde a compris, Inch'Allah ? Tout le monde a compris ? Taïb. Alors, si je dis à quelqu'un, par exemple, Anta min al-Hind, alaysa kadhalik ? Anta min al-Hind, alaysa kadhalik ? Tu diras quoi ? Là, tu dis bala, si t'étais de l'Inde. De l'Inde. Ah ouais. Laysa. Mais Fomala ? Taïb. Vous avez compris là la réponse ? Le frère, il n'est pas de l'Inde. Alors, il dira quoi ? Hein ? Là. Il dit bala. Il enlève la négation. Le faux mada ? Non. Un truc que j'ai pas compris, c'est que ça enlève une négation, mais en même temps ça veut dire oui, certes. Oui, certes, j'ai mangé. Après, c'est à toi de parler. Parce qu'après, même il y a un sous-entendu. Mais toi, maintenant, le fait que c'est nouveau pour toi, tu comprends pas ça. Le faux mada. Mais maintenant, tu vas savoir comment l'utiliser. Grâce à Allah, tu sais ce que ça veut dire. Alam ta'akul, il te dit quoi ? Tu n'as pas mangé ? Tu dis quoi ? Bala ma ma'ana bala. Oui, si, j'ai mangé. Le faux mada. Mais si tu dis na'am, ça veut dire quoi ? Na'am, ce que tu dis, je n'ai pas mangé. Ah oui, c'est bon. T'as compris là, ça y est ? Allah y barak fik. T'as vu ? Quelqu'un vient vers toi et dit tu n'as pas mangé. Tu dis quoi ? Tu n'as pas mangé. Voilà. Et je dis bala, si, ouais. Ah, là. Parce que le fait de dire bala, c'est juste entendu quoi ? Oui, certes, j'ai mangé. T'as compris ça, Abdelkarim ? Tu restes pas avec bala comme ça. Non, bala, il a un sens. Dans la langue arabe. Mais Fomada, tu dis, si, c'est-à-dire quoi ? Oui, certes, j'ai mangé. Mais si tu dis na'am, ma ma'ana, na'am, non, j'ai pas mangé. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Mohamed ? Tout le monde a compris ? Bien ? On va commencer à s'arrêter. Taïb. Anta marid, on dira quoi ? Alaysa kadhalik, qu'est-ce qu'on doit répondre ici ? Si la personne est malade, elle dira quoi ? Mais faut mada ? Taïb. Ayyuhuma. Après voilà, la leçon 13. Mais on a dit quoi avec na'am ? Tu peux dire quoi par exemple ? Maja Zaydoun. C'est négatif. Tu peux dire na'am, maja. Aou, ja Zaydoun, on dira quoi ? Na'am, ja. Taïb, Inch'Allah ? C'est ça la différence entre na'am et bala. C'est que na'am, on peut l'utiliser pour quoi ? Al-ithbat ou al-nafi. Alors que bala, c'est pour quoi ? Enlever la négation. Mais faut mada ? Inch'Allah. Je pense qu'on a beaucoup répété là. Kamal, tout le monde a compris. Okay, on finit cet exercice-là, grand 13. Ayyuhuma yushir al-mudarrisu ila taliban wa yaqul hadha talibani. Ayyuhuma atwal wa ila kitaban wa yaqul hadhani kitaban. Ayyuhuma ajmal wa hakadha. Ayyuhuma, on l'utilise pourquoi ? Barakallahu fikoum. Si tu as deux choses devant toi. Mufhoum ? Ayyuhuma. Et huma, on a dhamir, elle est. Barakallahu fikoum. Le duel. Taïb ? Comment on dit duel, ya Abdullah ? Muthanna. Muthanna, ahsan. Taïb ? On revient à l'exercice grand 3. Comme ça, on fait l'ism tafdil. Comment ? Taïb. Iqra l'amthila al-atiya. L'ism tafdil. L'ism tafdil ici, barakallahu fikoum, ma'na comparatif. D'ailleurs, si vous voulez traduire. Wa ta'rif ism tafdil, yaqulun sifa tukhad min al-fi'l liyadulla ala anna shay'ayn ishtaraka fi sifa wa zada ahaduhuma ala al-akhar fiha. Tayyib. Je répète, sifatun tu'khad min al-fi'l liyadulla ala anna shay'ayn ishtaraka fi sifa wa zada ahaduhuma ala al-akhar fiha. Tayyib. Inch'Allah, on va expliquer ça. Tayyib. Ma ma'na hadha al-kalam barakallahu fikoum. Ça veut dire quoi ? On a par exemple deux personnes. Ils sont quoi ? Deux caractère, la même chose. Un, par exemple, il a de la science, et l'autre, il a de la science. C'est-à-dire quoi ? Ils se sont associés dans quoi ? Dans une sifa qui est quoi ? Al-ilm. Me faut ? Après, il dit quoi ? Sifatin wa zada ahaduma ala al-akhar. C'est-à-dire, un des deux a plus que l'autre. Imma fil ilm, mifoum, imma fil tol, imma fil mal, ila akhir. Et là, il a dit que Zaydun a'lam min Umar. Mifoum ? Zayd indahu ilm, wa Umar indahu ilm. Walakin mada ? Ahaduma zada ala al-akhar. Vous avez compris ça ? C'est comme si tu dis Zayd a plus de science que Umar. Ou Zayd est plus grand que Umar. C'est-à-dire Zayd est grand et Umar est grand. Mais un des deux est quoi ? Plus grand que l'autre. Et également, qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux avaient la même. Quoi ? Ishtaraka fi sifa ma hiya hadhihi sifa. Les deux étaient grands. Mefhoum hada ? Et cette sifa peut être quoi ? Min jiyat al-madh wa al-dham. Ça peut être du côté c'est complimenté ou blâmé. Par exemple, tu peux dire هذا أجهل من هذا. الجهل c'est pas quelque chose يمدح. C'est pas quelque chose de complimenté. Mais فهم هذا أجهل أقبح. Mais فهم هذا. C'est pour ça qu'ici, si vous expliquez cette leçon, le mieux c'est de dire quoi. الصفة تقيد بمدى قد تكون من جهة المدح أو من جهة مدى الذم. Vous avez compris ça? الذم c'est comme القدح. Il y a pas de mal. Tout le monde a compris ça, inshallah. Othman, c'est compris? Ça veut dire ici le ism tafdil, c'est quoi on a dit barakallahu fikoum, ce sont deux choses ou deux personnes, ils se sont associés dans quoi, une qualité ou on va dire quoi, ou un défaut, mais l'un des deux a plus que l'autre. Tout le monde a compris? Mais maintenant il y a des chorotes pour former un ism tafdil, et moi je vais vous donner ce que vous connaissez, et après plus dans le 3 je pense qu'inchallah on pourra compléter le reste des conditions. Vous voyez, parce que certaines choses, on ne les a pas encore étudiées. Par exemple, pour former le ism tafdil, barakallahu fikoum, il faut que ça soit un verbe à 3 lettres. Ça, c'est une des conditions. Tu ne viens pas avec un verbe à 4 lettres, par exemple, zelzala. Tout le monde connaît ce verbe, hein, ida zulzila. Mufoum, zelzala, tu ne peux pas former le comparatif. Mufoum hada ? Tout le monde a compris ça, inshallah ? Un verbe à 3 lettres. Taï, ma'na min fi'l thulathi. Ou aïdan muthbet, même un amuthbet, positif. Hein, tu ne peux pas dire, barakallahu fik, ma katab, ou ma akbar, ou ma a'lam. Taïb, ça, si je vous donne ça, c'est que c'est, vous pouvez comprendre. Taïb. Également, Allah ybarak fikoum, on avait dit quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mutasarrif, on en a parlé hier. C'est quoi un verbe qui ne se conjuguait pas à tous les temps ? Laïsa. Laïsa, il n'a pas de ism tafdil. Limada, liannaou, barakallahu fikoum, jamed. Il n'a que le madi. Alors que pour former, barakallahu fikoum, le ism tafdil, il faut mada, yatasarraf. Comme kataba, ou par exemple, les verbes qu'on va voir devant nous, sahila, ashal, mufoum, a'lam, alima, ya'lamu, i'lam. Amma laïsa, ma yumkin, an takhraj min. طيب الاسم تفضيل il y a une chose que vous pouvez comprendre également قابل للتفضيل ما معنى هذا قابل للتفضيل c'est qu'il accepte le comparatif. Vous comprenez ce dernier truc là? Par exemple la mort, est-ce que je peux dire Uthman amwat min Wahbi? La même qu'il la mort c'est la même. Mufhoum? Vous avez compris? Comme on dit, il n'y a qu'une seule mort, mais la mort, elle est différente. Un, il va mourir dans le lit, l'autre, il va être tué, ainsi de suite. Mais faut, amma min nahiyat al-maut, hiya wahid. Vous avez compris ? La dernière condition, on dit quoi ? Que j'ai mis ? Qabilun li tafdil. C'est-à-dire, il accepte quoi ? Le comparatif. Taïb ? Qui peut répéter tout ce qu'on vient de dire, là ? Mohamed, vas-y. À voix haute pour tout le monde entendre. فعل الثلاثي طيب مثبت مثبت ما معنى مثبت قلنا معنى لا يسبق بالنفي c'est-à-dire positif également احسنت ça a sorti quoi ليس احسنت قابل للتصريف نعم للتفضيل تفضيل ما معنى هذا c'est-à-dire il accepte le comparatif ça nous a fait sortir quoi par exemple مات الفعل مات مات c'est un verbe regardez bien un verbe à trois lettres. Me font ? Vous avez compris ? Il est quoi ? Il est mutasarrif. ولكن لا يقبل ماذا التفضيل مفهوم هذا بارك الله فيكم يا ابخي restera quoi المعلوم ça vous l'a pas vu التام et الى اخره ان شاء الله également il y en a également التام on en a parlé avec كان il y en a où كان ناقص اي لابد ان يكون تام le fait que كان on l'a étudié كان on peut pas faire le comparatif معنى اسم تفضيل طيب tout le monde a compris ça inchallah طيب احوال اسم تفضيل ça veut dire quoi les états du اسم تفضيل vous le verrez ça vraiment il y en a 4 Mais ce qui nous concerne aujourd'hui dans le dars, il n'y en a que deux. Ça y est. Celui qui va être devant nous, là, ce sera quoi ? Tajarrud min alif wal lam wal idafa. C'est-à-dire que le ism tafdil devant nous, il n'y a pas de alif wal lam. Également, il ne sera pas mudaf. Il y en a quatre. Et ça, inshallah, vous le verrez, bidnillah, fi qatar nada, ou fil mutamima, ou fil alfiya. C'est-à-dire, le ism tafdil. Regardez par exemple. L'exemple numéro 1 هذا الكتاب أسهل من ذاك أسهل vous le voyez là طيب est-ce qu'il y a alif wal lam il n'y a pas est-ce que derrière il y a un mudaf ilayh il n'y a pas طيب c'est ça معنى et à partir de là si le ism tafdil il n'y a pas de alif wal lam il n'y a pas de mudaf ilayh derrière il faut qu'il soit quoi il sera mufrad et mudhakkar et il sera suivi de min طيب c'est un dars il faut un peu de tarkiz hein Un peu de concentration, mais sinon c'est pas difficile, inshallah. D'ailleurs, je répète, le ism tafdil devant nous qui nous concerne aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'il n'a pas de alif wal lam et que derrière, il n'y a pas de mudaf ilayh. Dans ce cas-là, il sera quoi ? Barakallahu fikoum. Il sera mudakkar et mufrad. Et derrière, il sera suivi de quoi ? D'un hafjar. C'est-à-dire quoi ça, barakallahu fikoum ? Quel que soit. Le comparatif, tu vas utiliser quoi ? Masculin, singulier. Vous avez compris ça ? Par exemple, est-ce qu'il vous a mis un exemple féminin ? Moi, je vous en donne un. Si on vous dit, par exemple, Fatima, il y a Maryam ? Le deuxième exemple. Voilà. Hadi siyaratu ajmen min tilk. Le comparatif, il est quoi ici ? Entre du féminin. Et pourtant, on a utilisé quoi ? Du masculin, singulier. Car vous verrez plus tard, Inch'Allah, comme je vous ai dit quoi, vous allez utiliser des comparatifs, il sera obligé de suivre quoi ? Soit le féminin, et ainsi de suite. Me faut ? Déjà, on prend ces deux-là, Alhamdulillah. Alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb ? Serre-toi, Mohamed, comment il s'appelle ? Mettez-vous comme ça. Taïb ? On répète, Inch'Allah, car c'est, comme c'est un nouveau dar, c'est pas évident. Alors, le ism tafdil devant nous, on a dit quoi ? Il est birer alif wal lam également quoi on a dit barakallahu fikoum hein non avant c'est à dire il a tajarrada min alif wal lam wa al idafa mafhoum c'est à dire il a pas d'alif wal lam et derrière il a pas de mudaf ilayh c'est à dire quoi falaboud min c'est à dire il sera suivi d'un min طيب et le ism tafdil il sera quoi mufrad mudhakkar طيب inchallah Tout le monde a compris, Mohamed, c'est bon ? C'est clair ou ? Il faut pas voir si quelqu'un n'a pas compris. Ayman ? Daoud ? Hein ? Alhamdulillah. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Abdelmajid ? Bien. Taïb, Inch'Allah, on lit. Fadda. Non, pas minimum, à trois lettres. Il n'y a pas même de verbe à deux lettres. La boue de trois lettres. Et maximum trois lettres. Voilà, on a dit quoi ? On a dit un verbe à trois lettres. Le faux ? Faire le thulathi. Non. J'ai rien dit. Si, j'ai entendu une voix quand même. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Taïb. Faire le thulathi. Non. Comment ? Là, faire le thulathi. Un verbe à trois lettres. C'est pour ça que je vous ai donné Zalzala. C'est un verbe à combien ça ? Ruba'i. Mais faut, ça, il n'y a pas de ism tafdil, il n'y a pas de comparatif. T'as vu, Inch'Allah ? C'est bon, Wahbi, t'as compris là ? Naqra al-ana, barakallahu fikoum. طيب on fait les deux exemples ensemble. هاشم طويل وحامد أطول منه. طيب هاشم طويل. On va essayer d'appliquer tout ce qu'on vient de dire là. هاشم طويل وحامد طويل. On a deux frères là, deux personnes qui sont grandes. Mais une, ça veut dire quoi? Ils se sont associés sur quoi? La grandeur. طيب ولكن un des deux est plus grand que l'autre. On a dit quoi? هاشم طويل وحامد أطول منه. Tout le monde a compris, Inch'Allah? طيب أمينة صغيرة وزينب أصغر منها. Inch'Allah, مفهوم. Alhamdulillah, il nous a donné quoi? Un exemple au masculin et un exemple au féminin. Tout le monde a compris? طيب بسم الله. À voix haute, pour que tout le monde profite de la lecture. تفضل محمد. هذا الكتاب أسهل من ذاك. أسهل من ذاك. أحسنت. هذه السيارة أجمل من تلك. من تلك. طيب حمزة أكبر مني. أكبر مني سنا. نعم. On a déjà. أولى الطالب. Pas A. Beaucoup de phrases font cette faute là. Entre le H et le A. H c'est H ou la I. طيب الطالب. الطلاب. الطلاب. أحسن من. Min, pas Mina. Quand il y a la liaison, c'est pas toujours les frères avec Mina. Là, Min ou la Ika. Taïb, Inch'Allah. Regardez bien, par exemple, le frère qui, ce qu'il vient de lire là, Mohamed. Haoulaï Tullabu. Tullab, c'est un pluriel. Et pourtant, on a utilisé quoi? Ahsanou. Mais faut m'aider. Barakallahu fikoum. Le suivant. C'est la 6, je crois. Sinan. Ou Asraru Minna Sinan. 7. خطي أحسن من خطك. نعم. هذا الشارع أنظف من ذلك. نعم. اللبن أحسن من الشاي. نعم. هذه الساعة أرخص. très bien ما شاء الله. نفهم الكاتان. كون جملا من الكلمات الأتية مستعملا اسم تفضيل. هنا هاشم. هنا طويل. هنا عثمان. très bien ma challah. هاشم طويل وعثمان اطول منه. طيب ان شاء الله. القاهرة كبيرة ورياض اكبر منها. نعم. هذا الفندق نظيف وذاك انظف. انظف منه. انظف منه. طيب أسهل منها. نعم. بس كل الضمير يفوق رياضة. أسهل منها. طيب. أسهل جدي وأسهل. أسهل منها. طيب. بارك الله فيك. غبت له عفوا. غبت فزي. اللغة العربية. سهلة. نعم. ولغة الفرنسية. أسهل منها. très bien. بارك الله فيك. أنا كبير وهو أكبر مني. طيب هو صغير وأنت. طيب أنت قال كلا. هو صغير وأنت أصغر منك. وأنت أصغر منه. يعني بيان لي فرا. طيب ريبيت. هو صغير. هو صغير وأنت أصغر منه. نعم. أتوا. الرجال أكثر من. من النساء. نعم. وهذا خطأ الله أعلم. C'est les femmes qui sont plus que les hommes. Tel point que le prophète صلى الله عليه وسلم dit viendra un temps où il y aura 50 femmes pour un homme. Tu vois? أحسنون. Comment? أنت. إيه. أحسنون. وأنا أحسنوك. لا أحسن منك. Parce qu'on a dit quoi? On a dit qu'après il faut le min. طيب. الموز رخيص. والعنب والعنب أرخص منه. نعم أرخص منه. طيب الشمس بعيد والقمر انت جرى. الشمس بعيد القمر أبعد منها. نعم. طيب comment العنب c'est le raisin et le mot c'est les bananes طيب tout le monde a compris inchallah parce que là on va faire le deuxième hein Othman c'est bon tout le monde a compris hein طيب اقرا الامثله ثم حول الجمل الاتيه على غرارها مستعملا اسم تفضيل Regardez bien ici. Muhammadun talibun hasanun. Tout le monde dit, hein? Muhammadun ahsanu talibin fil fasl. Hada baytun jamilun. Hada ajmalu baytin fi shari'i. Aminatu talibatun saghiratun. Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. C'est quoi la différence là? Entre celui-là et ce qu'on vient de faire là? Il est toujours avant. Ici, il est quoi? Il est modaf. Il a un modaf, il a mada, il a nakira. Ça, on est obligé de le mettre. Taïb, vous mettez ça. Taïb. Parce qu'après, vous verrez plus tard. Modaf, il a nakira. Le ism tafdil, derrière, il a quoi? Un modaf, il est. Et le modaf, il est comment il est? Ma'arifa ou nakira? Hadaou. Taïb. Comment? Non, je n'ai pas dit Daïman. Daou, tu me dis des choses que je n'ai jamais dit. Non, non, tout à l'heure tu m'as demandé un autre truc, j'ai pas. Mets ce que je dis. Mondaf il a nakira. T'as vu? Parce que s'il était Mondaf il a ma'arifa, ce serait autre chose. T'as vu? Non. À voix haute. Hein? Tu as dit qu'il n'y avait pas de Mondaf il est. Ouais, dans celui-là. Voilà. Moi j'ai compris ce que tu as dit. J'ai parlé de ce qu'on vient de faire là. J'ai dit celui qu'on vient de faire, il y a quoi? Il a pas, il est pas mudaf, mais faut, et il n'y a pas d'alif wal lam. À partir de là, il y a une règle avec ce ism tafdil. Moi j'ai jamais dit que ism tafdil, il n'y aura pas de mudaf, il n'y aura pas d'alif wal lam. Mais faut, madame, j'ai dit quoi? Que le ism tafdil qui est devant vous, de quel type il est? On a dit quoi avant de commencer? Ahwal, mada, ism tafdil. Même un ahwal. Les états du ism tafdil, il y en a quatre. Et nous, ce qui nous concerne, il y en a deux là. Le premier, c'est quoi? Ashal. Ashal, il est quoi? Bidoun alif wal lam. Mais fomada, également, il y a quoi? Bidoun et l'idafa. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il sera mufrad mudakar et il sera suivi de quoi? D'un min. Mais fomada? Taïb. Et celui-là, maintenant, c'est quoi? C'est un ism tafdil qui est quoi? Qui est mudaf ila mada? Ila nakira. Tout le monde a compris ça? Parce que plus tard vous verrez quoi? Un ism tafdil mudaf ila ma'rifa. Ou al mudaf ila ma'rifa, il y aura un autre quoi? Ce sera un autre hukm. Tout le monde a compris? Moi quand j'ai dit tout à l'heure ism tafdil, j'ai pas dit il y a plus. Là. Mais faut mada, inshallah. Taïb. T'as compris ça, Wahbi? طيب نعم لي زيكزامبل ديال المعرفه او هي المعرفه مدرسه اللي اسم تفضيل اللي هو ما با نون لا مالك شيك طيب دون سكا لا كيس كي سباس بارك الله فيكم سي لو اسم تفضيل اللي مضاف الى نكره وجب افراده وتذكيره vous avez compris c'est la même chose que quoi ce qu'on vient de faire mais la différence il y aura pas de mine vous avez compris ça Ifraduhu. C'est la même chose. Il sera quoi? Mufrad et mudakar. Mais la différence, il n'y aura pas après min. Mais faut m'aider, Inch'Allah? Sanders, il n'est pas trop, il est pas difficile, Inch'Allah. C'est juste quoi? Concentration et du hifd. Alaykum salam. Celui qui n'a pas compris, Inch'Allah, il le dit, il n'y a pas de mal. Tu vois? Comment? Voilà, bien sûr, c'est pour ça. Mais quand est-ce, min? Là, c'est quel bi? Tu peux pas dire bidak. Al kitab asalum bidak. En tout cas, dans les livres de Nahou, ils disent min. Tu vois. Tout le monde a écrit, c'est bon? Taïb. Hadihi ghurfatun saghiratun. On s'arrêtait où? Faddan, à voix haute. À voix haute, Abdel Majid. هذه أصغر غرفة في بيتك. طيب هذه غرفة Asgharu. Ah, je dis Adini. Ouais. Asgharu Ghorfatoun. Ghorfatoun, taïb, après Filbaïti. Ah, il manque quelque chose. Sagiratin. Parce qu'il faut du mandat affilé après. Hein? Hadi Ghorfatoun, on dirait quoi? Asgharu Ghorfatin. Fibaïtina. T'as dit Ghorfatin? Non. Pas entendu. N'a pas fi Ghorfatin. Asgharu Ghorfatin Fibaïtina. Tout le monde a entendu l'exercice là? Hein? T'as dit, répète-le à voix haute. هذه غرفة أصغر غرفة في بيتنا. Au suivant, moi je lis, après vous le faites dire. Bilal, Jar, Hassan. Après, c'est à qui là de le dire? C'est à lui. T'as pas entendu? Quand est-ce que c'est à lui? Plus tard, je parle avec lui. Ah, t'as eu. Bilal, Jar, ما معنى مضاف إليه؟ جارون مضاف إليه محمد؟ جارون مضاف إليه سي كوا مضاف إليه؟ طيب إيش كيس كي المضاف إليه لا كوا كم ترمينيزون؟ كسرة طيب إلي مجرور نجرى بلال أحسن جارين في حينا ما معنى حينا كيسي؟ ها؟ كارتي طيب وسيبان بلال أحسن جارين في حينا. أبو أوت لفخرة. كما؟ طيب وشو بانجي؟ كيف سيحصل جارين؟ ياسرون أفقر رجل في قريتنا. نعم ياسرون أفقر رجل في قريتنا. أحسن. هذه الخاصة ساعة. رياض بيان. T'es obligé d'enlever l'IA. Hadi. Là, là. Arkhas. On a dit quoi? Moudakar. Frère, faut pas rire. Hein? Non, c'est vrai. Barakallahu fikoum. Afan, ya Othman. Je n'ai pas entendu. Très bien, mashallah. Hadi. Arkhas. Sa'atin. Fisouk. Tous les mots qu'on lit là, vous les comprenez, inshallah? Taïb, inshallah. Fadal. Jar, c'est le voisin. Ah, n'hésitez pas, les frères. Allah ybarik fikoum. Au suivant. Comment? Faudal, faudal. Là, t'es obligé de ramener quelque chose avant. Si tu veux comparer. Hada ashal darsin fil kitab. نعم هذا أسهل الدرسين في الكتاب بارك الله فيك وسيفا دكتور زكريا طبيب شهير دكتور زكريا أشهر طبيب في البلد ما شاء الله سبيا ما معنى هذه الجملة يا محمد دكتور زكريا طبيب شهير avec le اسم تفضيل دكتور زكريا دكتور le plus connu très bien ما شاء الله شهير c'est à dire célèbre connu مفهوم Au suivant. Al-Azharu, Jami'atun, Qadimatun. Al-Azharu, Aqdamu, Jami'atin, Fil'Ali. Très bien, mashallah. Al-Azhar, c'est ce qu'elle est en Égypte. Taïb. Salam. Très bien. Très bien, mashallah. C'est bien. Au suivant. نعم في الكتاب ذلك أصعب درس في الكتاب هذا فصل واسع هذا أوسع الفصل في الكلية نعم هذا أوسع فصل في الكلية طيب إن شاء الله هل كان كيسيون بارابور أو اسم تفضيل نعم ديمان العزمي حلو Et naam, c'est le posé, naam. C'est toujours sous cette forme-là. Af'alu, idakan mudakar, mufrad. Le frère a posé une bonne question. Le posé, la forme de ism tafdil, af'al. Me faut Taïb, inshallah. Vous mettez af'alu toujours pour le ism tafdil. Mudakar, mufrad. Taïb. Et au féminin, vous le verrez plus tard, inshallah. Par exemple, tu dis Akbar et Kobra pour le féminin. Taïb ? Non. Mimbab al-Faïda, vous allez trouver trois mots qui sont dits ism tafdil mais qui ne sont pas sous cette forme-là, comme khair, wa shar, wa. Qui le connaît le troisième ? Ahab. Hein, hub. Le fond, à la base, on dit achar, akhyar, ou ahab. Mais avec kotrat l'istimal, hudifat mada, al-hamza. Vous voyez souvent char, achar minhu, hakal. Le fond, c'est-à-dire ces trois-là, c'est des exceptions. On a enlevé le hamza. C'est-à-dire, toi tu dis akhyar, c'est-à-dire il est mieux. Achar, plus mauvais, ou ahab. Le fond, par exemple, tu dis هذا الأخ أحب إليه من من هذا. C'est-à-dire, je l'estime plus ou je l'aime plus. Mais faut mada. Ces trois mots-là. Faut. On a خير, وشر, وحب. C'est-à-dire أصلها أخير أو أشر أو أحب. نعم. هذا هو الأصل. طيب. الكلمات الجديدة. الجديدة. Personne a une question, hein. Parce que là, on a fini, là. C'est... Okay, j'ai pas compris. C'est quoi, ça, par contre ? J'ai pas dit qu'il faut pas mettre un nid. J'ai dit, ce sont trois ism tafdil. Concentrez-vous, les frères. Allez, j'ai dit, ce sont trois ism tafdil qui sont couramment utilisés, mais sans la forme de comme Akbar, Ashal, A'lam. Ils sont utilisés comme ça, que tu viens de le voir. Char, wa... Al-khair, mais sinon à la base c'est achar, ahab ou akhyar. Le fond ? Hadaou. C'est une faute de l'utiliser avec. Khalil, l'istimal. Taïb. Taïb. Taïb. Le frère Abdelkarim il demande est-ce qu'on peut mettre le hamza ? Le plus, c'est dans Ahab. Me fond ? Dans Ahab, tu peux ramener le Hamza. Mais sinon, sur les deux autres, très peu. Me fond, Mahala ? C'est-à-dire, Ahab, il est utilisé plus que Achar ou Akhyar. Me fond, Mahala ? C'est pour ça qu'on dit quoi ? Zayd, Khair, Min, Umar. Vous l'entendez souvent, ça, ou non ? Qui n'entend pas ça ? Osman, est-ce que tu entends souvent, par exemple, tu dis Umar, par exemple, Abu Bakr, Khair, Min, Umar, Ibn Khattab, c'est vrai, non ? Hakada, le tafdil. C'est vrai ou non ? On pouvait dire quoi ? Akhyar. Walakin hada qalil. Vous avez compris ça ? C'est-à-dire, par exemple, Fir'aun achar min, par exemple, Bush. Hada wa. Mefoum, achar. Vous avez compris ça ? Hada ma'na ism tafdil. Mais sinon, le plus souvent, on utilise ahab. Tu peux le ramener. Vous avez compris ça ? Qui a pas compris ? Taïb. الكلمات الجديدة طيب مهجعون جمع مهاجع on avait dit ça veut dire quoi dortoir chambre طيب كوكب جمع كواكب étoile astre واسع spacieux large فريق جمع فرقاء طيب ça veut dire groupe équipe نعم. Et ça, c'est un mot où il a plusieurs pluriels. Hein. C'est-à-dire, si vous trouvez, il n'y a pas de mal. Furuq, on peut le dire. Taïb, ou Afriqatun, ou Furaqa. C'est un mot à cinq pluriels. Taïb. Shaqiq, Jam, Ashiqa. C'est-à-dire, frère germain, c'est-à-dire, de même sang. Thamanun, le prix. Alamun, univers, monde. L'importance de bien apprendre les mots. Par exemple, Alamun et Alim. Alim, c'est le savant. Et Alam, c'est le monde, l'univers. Me fond ? T'as vu ça ? Tout ce qui est en dehors d'Allah. Alim. Et non, l'univers. Allah, il est. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas con là-dedans. Rien n'enveloppe Rabbi l'Alam. Dans les livres, ils écrivent comme ça, tout ce qui est en dehors d'Allah. Dans quel livre ? Dans le Coran, en français. Tout ce qui est écrit en dehors d'Allah. Non, bien sûr, il n'y a pas de doute. Il n'y en a personne ici. Tu vois ? Allah fort kulli shay. Il n'y a pas de doute. Allah est dessus de toutes choses. C'est pour ça celui qui dit que les cieux enveloppent Allah, c'est du coufre ça. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça même l'Ahbash, quand tu leur dis Amin tu man fi sama, il veut quoi ? Il veut talzem avec ça. il te dit que fi bi ma'na dharfiyya. Ma'na, c'est comme si tu dis Zayd fi le masjid. C'est-à-dire que Zayd est dans la mosquée. Non. Ma'na fi huna, nous qu'est-ce qu'on avait dit? Ma'na ala. Amintum man ala sama. Mufhum hada? Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah lui a imposé la prière, vous connaissez ce hadith, l'Isra wa al-Mi'raj, le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, ainsi de suite jusqu'au septième ciel. Et Jibril alayhi salam s'est arrêté là. Et l'arche est au-dessus de Rabbil Alamin. Allah est au-dessus de toutes choses. Et ça, il faut croire à ça. Taïb. Shahir, c'est-à-dire célèbre. Shahrun jam shuhur wa ashhur. Moi, les mois. Pas moi, c'est-à-dire Anna. Taïb. La'ibun jam la'ibun joueur. Taïb. Film anam, songe ou rêve. El azhar. Le mot en lui-même, c'est-à-dire blanc. Taïb. Mais sinon, ce qui était. Naam. Ce qui nous concerne dans le texte, c'était quoi? L'université qui est. El azhar, c'est où, c'est au Caire? Taïb. Taïb. Pour ça, l'importance dans la langue arabe. C'est-à-dire, tu vas trouver avec des sectes comme l'Ahbash, même les Khwal Muslimoun. Souvent, ils veulent te ramener des ishkalettes comme ça, des choubouettes, finnahou. Tu vois, c'est pour ça, grâce à Allah, tu verras souvent les ulama salafis, ils sont très très forts dans la langue arabe. Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, très fort. Cheikh Mourbi, rahimallah, très fort. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Albani, rahimallah. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la langue arabe. Ils disent que l'imam Shafi'i, pendant des longues années, il étudie la langue arabe, alors que lui-même, c'est un Quraysh. Ya subhanallah. Tu vois, la langue arabe, c'est une langue très très très riche. Tu vois, plus tu es fort dans la langue arabe, grâce à Bidnillah, Cheikh Rahimallah disait quoi? Miftah al-Uloum. C'est la clé de quoi? Des sciences. Et ça, il n'y a pas de doute. Mais faut pas rester toute ta vie dans la langue arabe. Là, ma yamna, tadrus al-Arabiya ou al-Aqida. Tadrus al-Arabiya ou al-Fiqh. Hakada. Mais surtout, nous, on a besoin de la langue arabe. On n'a pas parlé ça à la maison, malheureusement. Tu vois, c'est une nouvelle langue. Tu vois, c'est pour ça, essayez de ne pas négliger cette langue-là. Tu vois. Et en plus, sachez que même les ennemis de l'islam, ils font tout pour combattre la langue arabe. Et ça, il n'y a pas de doute sur ça. Tu vois, regardez en Algérie, il y a eu des grands problèmes. Ils motivent les Kabyles. Demandez votre langue. Ya subhanallah. Ils voulaient la rue en Kabyle. Ya subhanallah. Qu'est-ce que c'est pas important en Kabyle? Tu vois. Pourquoi? Pour combattre la langue arabe. Tu vois, dans des quartiers à Alger, ils parlent le français mieux que certains français. Tu vois. Et ça, si vous pouvez demander à vos parents s'ils ont fait la guerre d'Algérie, des choses comme ça. Première chose qu'ils faisaient, emprisonner les imams et fermer les mosquées. Pour pas parler l'arabe. C'est-à-dire, ils connaissent que quoi? Que la prière. Allahu Akbar. Voilà. Non, mon père, c'est ce qu'il me disait. Il disait, nous apprenait juste éteint, allume. Éteint, allume. Il ne sait même pas c'est quoi la prière. Il ne sait même pas c'est quoi un dalil. Pour ça, il ne faut pas négliger ça. Réviser le Coran, la langue arabe. Plus tu es fort en langue arabe, plus l'ulum t'aftah alik, inshallah. Barakallahu fikoum, les frères.